des années, on revient sur ses traces, rechercher un passé qui s'efface. Un jour ou l'autre, on marche sur les lieux qui nous ont connus gosses avant que d'aller rouler sa bosse. Une maison, un square, un coin de rue, un marchand de bonbons nous laisse tout ému, nous bouleverse. Un souvenir que l'on croyait perdu fait jaillir un sourire, une joie inconnue qui transperce. Que tout est illusoire, et qu'ainsi ce n'est qu'en la mémoire que tout meurt ou tout vit. Un jour ou l'autre, on veut faire à l'envers ce qui fut notre course, mais on perd à remonter aux sources. Un jour ou l'autre, plus à tort qu'à raison, on cherche des images, l'émotion vous gâche le voyage. Des commerçants, un marché en plein air et du linge claquant comme voiles en mer aux fenêtres. Des cris d'enfants, une école primaire et les yeux de maman qui se plantent en ma chair et mon être. Un jour ou l'autre, on sent qu'à tout jamais mieux vaut que l'on renonce aux bleuets poussant parmi les ronces au jardin des...